deuxième temps de notre série consacrée au patrimoine et à son histoire. Ce matin, émission d'archives du mardi, à qui appartient le patrimoine grec et romain ? Hier, l'historienne Natacha Laurent, en plein Festival de Cannes, nous a expliqué les paradoxes contemporains de la patrimonialisation du cinéma. Demain, nous nous intéresserons à la question de la restauration et de l'entretien du patrimoine. Jeudi, le documentaire d'Anaïs Quin et d'Anne Fleury nous emmènera à la découverte des usages du patrimoine industriel à Dunkerque. Et aujourd'hui, eh bien, nous recevons deux auteurs de deux livres récents qui, chacun à leur façon, nous expliquent les usages du passé grec et romain en Europe, aux États-Unis, mais aussi au Japon, avec Anaïs Quin qui co-animera cette émission avec moi, et grâce à des textes qui seront lus pour nous par Daniel Königsberg, nous avons donc le plaisir de recevoir Jean-Noël Castorio. Il est maître de conférences en histoire ancienne à l'Université du Havre et il vient de publier aux éditions Vendémiaire « Rome réinventée, l'Antiquité dans l'imaginaire occidental » de Titien à Fellini. Et Michael Lucken, il est historien, philosophe, professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales et il vient de publier donc chez Gallimard dans la très belle collection Bibliothèque des histoires « Le Japon grec, culture et possession ». Déjà au lycée, dans l'étude des antiques d'avant Pindare, je cherchais à combler par l'imagination l'hiatus entre un épisode et l'autre. Notre prof était absolument cocasse en exigeant que de petits crétins de 16 ans soient pris d'enthousiasme quand il déclamait de sa voix fragile l'unique vers resté d'un poète « Je bois appuyé à ma longue lance ». Et moi de me faire le promoteur d'une hilarité grossière en inventant toute une kyrielle de fragments que nous allions lui proposer en effrontés que nous étions. Mais cette histoire de fragments me fascinait pour de bon. J'étais hanté par l'idée que la poussière des siècles avait conservé les battements d'un cœur éteint à jamais. Je crois que j'ai été séduit par la possibilité de reconstruire ce rêve, sa transparence énigmatique, sa clarté indéchiffrable. Le monde antique, me disais-je, n'a jamais existé, mais indubitablement, nous l'avons rêvé. Voilà pour commencer, lu par Daniel Königsberg, un extrait des entretiens que Fellini avait accordé à Giovanni Grazzini et publié sous le titre Fellini par Fellini chez Flammarion en 1984. Il évoquait le Satyricon de Pétrone et la façon dont il l'avait abordé en tant que jeune Italien. Bonjour à vous Anaïs Quin. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour Michael Lucken. Oui Emmanuel Arantin, bonjour. Et bonjour à vous Jean-Noël Castorio. Bonjour. Vous avez donc sélectionné pour nous ce petit extrait justement tiré de ces entretiens de Fellini à propos du Satyricon de Pétrone, parce que tout compte fait, il conclut, tel que vous commencez votre propre livre, indubitablement nous l'avons rêvé, cette antiquité, l'antiquité, le monde antique n'a jamais existé, disait Fellini, et vous, vous dites en ouverture de votre livre qui s'intitule « Rome réinventée, l'antiquité dans l'imaginaire occidental », l'antiquité n'existe pas, elle est une invention de la Renaissance, l'antiquité est un miroir, elle est le temps présent, Jean-Noël Castorio. Tout à fait, c'est un magnifique extrait des entretiens de Fellini, je pense qu'on au début de chaque cours d'histoire ancienne, en fait, à l'université, on devrait lire ce passage. C'est effectivement ce passage, cette phrase de Fellini qui m'a inspiré cet ouvrage, parce qu'effectivement, je pense qu'on est dans des temps de positivisme, en réalité, vis-à-vis de l'Antiquité, qu'on a cette idée, avec le progrès des méthodes archéologiques, historiques, que finalement, on va avoir plus de connaissances de l'Antiquité, qu'on en saura toujours davantage. Je pense naturellement à l'archéologie, même à la mise en scène de l'archéologie, parfois, où les anciens érudits qui étaient autrefois dans une bibliothèque sont remplacés de plus en plus fréquemment par des archéologues sur le terrain ou bien des scientifiques avec des éprouvettes. C'est donc, on est passé dans un nouveau langage finalement de l'archéologie. Et je voulais rappeler dans cet ouvrage qu'en réalité, L'Antiquité est largement une construction de l'époque moderne, de la Renaissance. C'est une époque qui est très lointaine de nous. On est séparé de l'Antiquité par un gouffre, comme le dit Fellini, comme le dit Flaubert aussi, on en reparlera peut-être. Et que finalement, l'Antiquité, c'est oui, c'est un rêve, un fantasme, un miroir. La réalité de l'Antiquité nous échappe, mais on a projeté tellement de choses dans cette Antiquité qu'elle conditionne le présent, elle fait partie du présent. Et c'est en ce sens-là que l'Antiquité existe, parce qu'elle est le présent en réalité. Anaïs Kien. Oui, dans cet extrait d'interview, Fellini se représente en jeune homme et on voit bien l'importance, la très grande présence de cette Rome antique pour un jeune Italien dans les années 30 et 40, évidemment. Il y a quand même une particularité de cette appropriation de cette antiquité classique, Jean-Noël Castorio, selon l'endroit où on la reçoit, c'est-à-dire selon le pays où l'on est, évidemment. Ah, tout à fait. Mais l'antiquité de Fellini, c'est une antiquité, c'est ce qui est intéressant dans l'exemple de Fellini, et il le dit dans un certain nombre de films, son antiquité, c'est pas l'antiquité réelle, c'est pas les ruines de Rome, c'est le Fulgor, un cinéma de Rimini qu'il fréquente dans les années 20, le cinéma où il va voir son premier film, Massiste en enfer, Guido Brignone, en 1925. Premier Massiste en enfer, puisqu'il y aura un remake dans les années 60. Oui, il y en aura. Avec Steve Reeves, entre autres. Tout à fait, effectivement. Et c'est là, en fait, c'est cette antiquité dont il parle. Et il y revient constamment dans son œuvre, dans Roma, dans Ramacorde, dans les bloc-notes d'un cinéaste. Et d'ailleurs, il y a un très beau passage dans le bloc-notes d'un cinéaste dans lequel il y a un plan sur les ruines de Rome, sur le Colisée. Et il dit, mais cette antiquité-là, c'est pas la mienne. Mon antiquité, celle de mon enfance, celle du Fulgor, et on arrive à ces personnages finalement créés de toutes pièces par le cinéma, en s'inspirant naturellement, très lointainement, des récits tacites de Suétone, qui va mettre systématiquement en scène l'empereur fou, naturellement, mégalomane, le Néron, le Caligula, l'impératrice décadente, la Messaline, bien naturellement, sûr. Et puis la jeune chrétienne, blonde, et le général qui va passer du paganisme au christianisme par amour. C'est ça son antiquité, il la met systématiquement en scène. Oui, bien sûr, l'antiquité est très différente d'un lieu, d'un endroit à l'autre. Michael Luken, dans votre livre qui vient tout juste de sortir dans la collection à la Bibliothèque des Histoires, le Japon grec, il y a là aussi une question d'appropriation d'un passé antique, par un pays auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on réfléchit à cette question-là. Et c'est parce que vous êtes spécialiste du Japon et que vous êtes tombé plusieurs fois pour vos ouvrages précédents, que ça soit sur les Japonais et la guerre, sur Hiroshima ou sur d'autres livres que vous avez pu écrire sur le Japon, vous êtes tombé plusieurs fois sur ces références au monde antique et en particulier au monde grec antique, que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi les Japonais et comment les Japonais étaient-ils venus à s'approprier ce passé grec, à en faire leur propre possession, puisque votre sous-titre c'est culture et possession, Michael Luken. Oui, je suis ravi qu'on ait ce débat avec, pour début, un passage sur Rome, Fellini, où au fond on se situe d'emblée au cœur d'une relation qui nous paraît naturelle, celle d'un jeune Italien du XXe siècle avec ce qui serait son passé, son histoire, son patrimoine. Et d'emblée, on écarte la focale et on passe au Japon. Alors ça semble un saut immense et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on est face au même genre de questionnement. Quel est le lien qu'on peut établir avec ces traces du passé ? Est-ce que c'est un rapport de possession juridique, financier, physique, ou est-ce qu'au fond c'est un travail, c'est un parcours imaginaire? Est-ce, dans le cas japonais, très clairement, il y a eu un énorme travail de traduction, d'observation, de découverte, qui s'est fait de manière très lointaine, mais qui a produit des effets considérables. Anaïs Kien. Alors peut-être pour nous aider un petit peu à nous représenter cette possession de la Grèce ancienne par le Japon, vous racontez qu'en 2016, s'est tenue une très grande exposition, d'ailleurs d'une ampleur inédite, sur la Grèce antique à Tokyo, qui affirmait l'influence incontournable de cette dimension culturelle dans l'histoire japonaise. Peut-être décrivez-nous un petit peu la Grèce antique que représentait cette exposition japonaise. C'est une exposition qui s'est tenue donc il y a peu de temps au Musée national de Tokyo, donc c'est vraiment le principal musée japonais, l'équivalent du Louvre. Et quand on entrait dans cette exposition, d'emblée, on était frappé par l'affiche, un petit pêcheur, mais pas un grand dieu majestueux, un petit pêcheur tenant sa pêche du jour. Et très vite, des animaux qui sont le poulpe, des petits poissons, des animaux qui évidemment existent dans l'iconographie grecque, hein, en l'occurrence, mais qui disent quelque chose aux japonais, des donc personnages. Pas de grands nus monumentaux. Pas de grands nus monumentaux, pas de figures sublimes. Les personnages où les dieux sont beaucoup plus humains, entre guillemets, un sentiment de proximité avec la nature. Évidemment, il y a des problèmes matériels. C'est compliqué d'aller amener des très grosses statues de 2-3 mètres de haut au Japon, mais il n'y a pas que ça. Et clairement, la Grèce qu'on voit dans une exposition comme celle-ci, elle est tout aussi valable que celle qu'on peut voir ici en France. Simplement, elle est différente et elle correspond à un point de vue qui est celui des Japonais. Et puis, ça nous rappelle d'une certaine façon que Jean-Luc Castorio, que cette Grèce ou cette Rome antique, vous l'avez dit, pour Rome, c'est une réinvention de la Renaissance, mais pour la Grèce antique, c'est souvent une réinvention du temps des Lumières, où on veut aller chercher à Athènes des racines européennes qui ne seraient pas des racines chrétiennes, et en particulier du côté de Voltaire, qui ne veut pas évidemment se faire une référence de Rome qui est devenue la ville des papes, par exemple. Et donc, on va chercher aussi dans la Grèce antique, surprenant même les Grecs de l'époque, qui ne sont pas Grecs ou qui ne se sentent pas comme tels, en tous les cas, puisqu'ils sont sous tutelle ottomane. Donc, on va surprendre les gens qui habitent à Athènes ou dans l'espace hellénique en leur disant « Vous êtes nos ancêtres, c'est une création, comme le vient de le dire Michael Luquen, on tente de remettre le passé dans le droit fil de sa propre histoire au 19e siècle, par exemple, au 18e ou au 19e siècle. Tout à fait, là le rôle essentiel revient à Winckelmann, naturellement. Et effectivement, il y a cette fascination pour la Grèce, il y a cette fascination pour la culture, et vous dites de remettre dans le droit fil, mais on va chercher aussi d'autres choses dans la Grèce antique, et Winckelmann, par exemple, de ce point de vue-là, va notamment s'intéresser à la personnalité d'Antinoos. J'ai écrit un chapitre dans mon ouvrage sur ce personnage, l'amant d'Adrien. Mmh. Et c'est, Winckelmann, on le sait, avait une sexualité, était attiré par les hommes en l'occurrence. Et ce retour à la Grèce va lui permettre de mettre en avant cette figure d'Antinoos. Et on va aller chercher véritablement dans l'Antiquité grecque, progressivement, une réhabilitation finalement de cette figure de l'homosexuel, de l'homosexualité antique. Et c'est aussi ça qu'on va chercher dans la Grèce antique. Oui, on va chercher effectivement des personnages que l'on a peut-être parfois négligés. On les remet sur le devant de la scène. Et par exemple, vous avez cité Michael Luquen dans votre propre travail, le travail de Katsuhiro Kamei. Vous pouvez nous présenter cet écrivain dont Daniel Koenigsberg va nous lire un extrait de texte. Oui, Kamei est un auteur qui est actif dans les années 1930-1960, surtout en fait avant-guerre, et qui crée le mouvement romantique japonais. Et faut savoir que donc au Japon, on a un mouvement romantique japonais qui se situe, je dirais, comme un miroir de ce qu'on a observé, par exemple, en Allemagne à la fin du 19e, à la fin du 18e, début du 19e siècle. Et c'est un auteur qui a eu une influence considérable sur la jeunesse de son époque. Moi, il me semble tout à fait important et je suis ravi qu'on lit cet extrait. Alors, extrait donc de Katsuhiro Kamei, donc en 1937. Voici ce qu'il écrit. C'est alors que je me mis à penser à cette région, pour moi encore inconnue, qui est la tienne. Il n'y a pas là-bas les violentes tempêtes de neige qu'on a au nord, ni les congères de neige glacée. Comment sont ces vents chauds du sud que ma peau ne connaît toujours pas? Tel que je l'imagine, le Yamato est un pays du sud calme, où les descendants de la cour impériale à la fois beaux et pathétiques marchent d'un air grave. Nara est la plus ancienne capitale du Japon. Que de conséquences sur le destin d'un homme, que d'avoir vu le jour en ce lieu, d'avoir grandi avec sous ses yeux d'enfant les temples anciens et les statues de Bouddha qui ont sanctifié les familles de la cour. Derrière tes complaintes se trouve une passion ardente pour ces jours où, dans une cour impériale déjà déclinante, les arts et la littérature ont donné des fleurs plus belles que jamais. Pour la première fois, tu t'es reconnu. Puis, lorsque tu as regardé de nouveau les monts et les rivières de ton pays natal, avec en tête la Grèce antique, Rome, la Renaissance, ont jailli d'eux-mêmes à travers tes lèvres, des chants de gloire au Yamato. Nara est la Rome du Japon, et toi, tu es peut-être le Grec de l'Orient. Alors, Michael Duquesne, il faut expliquer pourquoi Nara joue un grand rôle, cette région, cette ville de Nara joue un grand rôle dans la perception, pourrait-on dire, de ce lien inventé, réinventé entre le Japon et la Grèce antique. Et puis, dire qu'effectivement, ça ne commence pas en 1937. Tout le monde pourrait penser que l'ère Meiji, la modernisation du Japon à partir de la deuxième moitié du 19e siècle sont à l'origine, justement, de cette découverte. Et d'une certaine façon, que c'est une sorte de néocolonisation européenne sur le Japon. Vous expliquez que ça remonte plus loin et qu'il y a des chemins très particuliers pour pouvoir relier justement ce Japon du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle à la Grèce antique. Oui, c'est au fond des histoires qui vont progressivement. Bien sûr, ça se fait en dialogue avec l'Occident, avec les pays européens, dans le cadre d'une pression coloniale, voire d'un mouvement d'évangélisation avant, à l'époque des jésuites. Mais au fond, il y a chaque fois une triangulation. Il y a les Japonais, en l'occurrence, qui, par le truchement des Allemands, des Anglais, des Français, vont redécouvrir un patrimoine, ou même découvrir un patrimoine qu'ils ne connaissaient pas, des textes, des sculptures. Les fables d'Ésope, par exemple, vous expliquez, dès le XVIe siècle, traduites. Exactement, dès le XVIe siècle qui est traduit, qui va ensuite être retraduit. Donc vraiment un patrimoine qui va commencer à s'ancrer, et c'est assez impressionnant de voir comment, peu à peu, les choses s'installent. Et quand on est donc au début du XXe siècle, il y a déjà toute une histoire de cet héritage. Et pourquoi Nara ? Alors, Nara est très particulier. Nara est le lieu où un temple très beau, le Horyuji du 7e siècle, un grand temple en bois, a été construit. Et les Occidentaux, à la fin du 19e siècle, sont arrivés là et ont vu un cloître avec des colonnes ayant un léger renflement. Ils se sont dit, ah ça, ça ressemble aux entasis de l'architecture grecque. Et on commençait à imaginer que peut-être là, il y avait eu un lien, que par la route par l'Inde, par les royaumes hellénistiques, la route de la soie, il y ait pu avoir quelque chose comme un contact. Et à partir de là, les Japonais ont repris cette histoire et se sont mis à rêver d'une convergence particulière entre la terre japonaise et la terre grecque. Anaïs Kien. Oui, parce que vous dites bien, Michael Duquesne, que ce rapport à l'antiquité occidentale, c'est bien un mouvement à la fois avec l'Occident, mais aussi contre lui. C'est-à-dire que ce Japon qui se trouve justement peut-être à une des têtes d'un triangle, a négocié son entrée dans la modernité, à la fois avec ses parentés évidentes avec l'Occident, mais aussi avec ses voisins chinois et coréens, et a formulé d'une certaine façon un patrimoine au fil des siècles qui fasse une synthèse et qui propose une réappropriation japonaise tout à fait singulière et particulière de cette histoire du monde, puisque finalement c'est un patrimoine très très englobant. Oui, c'est un peu une histoire du monde qu'on a là. Pourquoi ? Parce que, au fond, on voit bien que les Japonais, et c'est exactement la même chose aujourd'hui pour les Chinois, c'est exactement ce qu'on voit actuellement en Chine. Quand ils découvrent tout ce patrimoine grec, romain, ils le font souvent avec les Occidentaux, mais très vite, ils retournent les arguments et vont dire, mais au fond, vous défendez la démocratie, mais regardez chez Platon, c'est pas ce qu'on voit. Regardez Sparte, c'est encore une autre histoire. Donc très vite, des éléments qui sont mis en avant par les puissances occidentales qui les dominent sont mis en question, sont interrogés par le truchement de ce qui fonde la culture occidentale. Donc, au fond, c'est jamais une relation de soumission ou de dépendance, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. De négocier, pourrait-on dire, qui passe aussi par la lecture de philosophes européens, et parmi eux, c'est un personnage qui vous est commun d'une certaine façon, Jean-Noël Castorio et vous-même, Michael Duquesne, la figure de Friedrich Nietzsche, un extrait de l'Antéchrist, lu par Daniel Königsberg. Le christianisme a trouvé sa mission dans la destruction de l'Empire, puisque la vie y prospérait. Ces saints anarchistes se sont fait une piété de détruire le monde, c'est-à-dire l'Empire romain, jusqu'à ce qu'il n'en restât plus pierre sur pierre, jusqu'à ce que les Germains même et d'autres lourdeaux aient pu s'en rendre maître. Le christianisme a été le vampire de l'Empire romain. Il a mis à néant, en une seule nuit, cette action énorme des Romains, avoir gagné un terrain pour une culture qui a le temps. Ne comprend donc toujours pas. L'Empire romain que nous connaissons, cette admirable œuvre d'art de grand style, était un commencement. Son édifice était calculé pour être démontré par des milliers d'années. Jamais, jusqu'à maintenant, on a construit ainsi. Jamais, on a même rêvé de construire en une égale mesure subspecia aeterni. Cette organisation était assez forte pour supporter de mauvais empereurs. Le hasard des personnes ne doit rien avoir à voir en de pareilles choses, premier principe de toute architecture. Pourtant, il n'a pas été assez fort contre l'espèce la plus corrompue des corruptions, contre le chrétien. Cette sourde vermine qui s'approchait de chacun en pleine nuit et dans le brouillard des jours douteux, qui soutirait à chacun le sérieux pour les choses vraies, l'instinct des réalités. Cette bande lâche, féminine et doucereuse a éloigné pas à pas l'âme de cet énorme édifice. Alors entre la Rome antique rêvée par les humanistes ou par les gens de la Renaissance et la Rome antique telle qu'elle est vue par Nietzsche, il y a quand même un grand pas qui a été fait, je ne sais dans quel sens d'ailleurs, mais cette chrétienté féminine ou doucereuse que condamne donc Friedrich Nietzsche, c'est une autre vision, pourrait-on dire, très 19e, très fin 19e même, de cette Rome antique que vous décrivez dans votre Rome réinventée, l'Antiquité dans l'imaginaire occidental de Titien à Fellini, Jean-Noël Castorio. Oui, tout à fait. Alors ce texte nous renvoie à ce qui est peut-être la grande question, finalement, celle de la chute de l'Empire romain. Grande fascination pour les chutes d'empire de manière générale. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est la question, c'est un historien, juste après la Première Guerre mondiale, un historien allemand qui disait c'est la grande question des antiquisants. Bon, il faut dire qu'en tant qu'antiquisant, en tant que spécialiste d'antiquité, je voudrais tout de suite dire que la chute de l'Empire romain est un phénomène au contour très, très indécis. Il y a d'ailleurs un livre qui vient tout juste de sortir qui rappelle effectivement les conditions, en particulier climatiques, de la fin de l'Empire romain. Il y en a à peu près un par an. Voilà, il y en a un par an, surtout en ce moment. Alors c'est fascinant d'ailleurs, parce que dans ces temps de crise, en tout cas de crise prétendue de la civilisation, tout d'un coup l'Empire romain et sa chute reviennent comme un leitmotiv. Mmh. Effectivement, on a une publication par an sur la chute de l'Empire romain. Donc c'est un motif qui révèle une angoisse aussi. Qui révèle une angoisse, mais d'ailleurs je pense, aller un peu loin, que ces livres ne font que révéler cette angoisse, parce qu'en réalité, il faut déjà accepter que l'Empire romain a chuté, qu'il y a effectivement une fin à l'Empire romain. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, l'idée est que l'Empire romain vit encore dans les temps de l'Empire romain, que Gibbon, qui est le premier à écrire la somme sur la chute de l'Empire romain, fait cesser l'Empire romain au XVe siècle. Et donc, c'est un fait historique très incertain. Et surtout, ce qui est intéressant, quand on reprend toute la philosophie, tous les historiens, on voit bien que finalement, les angoisses du temps véritablement s'incrustent dans les explications. Effectivement, à l'époque de Nietzsche, c'est l'anticléricalisme qui est très puissant. Dans les années 20, on va avoir des théories biologiques, hein, notamment, bien sûr, les théories de Spengler aussi. Mmh. Dans les années 70, on voit arriver des théories climatologiques, effectivement, des théories liées à l'environnement. Or, c'est la prise de conscience des sociétés qu'elles sont en train d'épuiser leur environnement. Et puis, il y a quand même une autre dimension, peut-être plus pleine d'espoir d'une certaine façon, c'est ce motif de cette destruction, de cette chute de l'Empire, mais qui devient aussi créatrice, c'est-à-dire la promesse de la fin d'un temps d'une société dégénérée, mais qui annonce l'arrivée d'une société peut-être rénovée et plus apte à affronter sa contemporanéité. Tout à fait, ça c'est l'acquis de grands historiens, hein, Henri-René Maroux, qui écrit un ouvrage dans les années 70 qui avait beaucoup de succès, des cadences romaines ou antiquités tardives, et aussi Peter Brown, hein, qui vont montrer effectivement qu'il faut peut-être pas raisonner en termes de destruction, mais bien en termes de création. Effectivement, c'est un changement de réinvention. Alors, ceci dit, c'est vrai que les derniers temps, on voit revenir des ouvrages, pour en citer quelques-uns, dans lesquels on voit ce thème de la destruction qui revient, etc. Et on sent bien que les angoisses présentes, n'incitent pas forcément à considérer cette période comme une période de création. Michael Luken, dans votre livre sur le Japon grec, vous êtes historien et philosophe, et c'est très important que de le dire parce que c'est un livre qui est passionnant, parce que justement, vous entremêlez la question, et traducteur aussi, vous entremêlez la question des traductions des termes philosophiques, par exemple, avec la question de l'histoire de cette importation, de ce rêve, pourrait-on dire, grec du Japon depuis au moins le 16e siècle. Pourquoi Nietzsche a-t-il une part et en quoi est-il important pour une partie de ceux qui vont, au début du 20e siècle, au Japon, s'intéresser à cette relation avec la Grèce antique? Bon, je crois qu'il y a quand même ce lien avec l'université allemande qui est très fort. Il faut bien voir qu'au Japon, à partir de la fin du 19e siècle et surtout début du 20e, dans toutes les universités, on va commencer à créer des chaires spécialisées sur le droit romain, sur l'histoire grecque. Donc, On va traduire les termes de philosophie, de psychologie. Donc, sont des termes grecs. On commence à traduire les textes directement depuis le latin ou depuis le grec. Donc, bref, il y a un travail de fond qui est fait. Hein. Donc, quand on commence à vraiment s'intéresser à Nietzsche, on le fait pas comme ça en surface. On le fait de manière très sérieuse. Et cet appétit pour la Grèce nietzschéenne, je crois, permet de contrer au fond un des problèmes qu'a le Japon, c'est ce monothéisme, cette présence du christianisme qui, quand même, l'a obsédé pendant des siècles. Vous savez que le Japon s'est fermé pendant très longtemps à l'Occident à cause de la menace du christianisme. Et la figure de Nietzsche permettait de reconvoquer, de refaire naître une nouvelle Grèce, une Grèce plus sauvage, non chrétienne. Et ça a été très, très influent. Anaïs Kier. Est-ce que ces premières vagues de traductions massives, telles que vous les décrivez, Michael Lucken, s'accompagnent ? Est-il nécessaire peut-être pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, à ce moment-là, Michael Lucken, est-ce que cela s'accompagne d'une recherche peut-être un peu fébrile de liens entre cette antiquité méditerranéenne et le Japon au moment même où ces textes voient le jour, au moment même de l'Antiquité ? Oui, c'est frappant parce que d'un côté, objectivement, il n'y a pas de lien géographique, il n'y a pas de lien ethnique, il n'y a pas de lien historique, il y a à peu près aucun lien qui permet de naturaliser cette histoire. Donc c'est ça qui est fascinant avec ce cas, c'est que rien n'est naturel. En revanche, il y a une production de faits culturels considérables qui est évidemment liée à l'imagination. Et l'imagination, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet de créer du lien, elle permet de créer du contact. On dit, ah mais en fait, regardez, là les mots, il y a au niveau de l'étymologie, on connaît bien ça en Europe, oui, hein, 19e siècle. Des fausses étymologies. Les étymologies, regardez, on a ici le mot « amé » en japonais, il y a « Arménia », c'est l'Arménie, hein, ouais. Et donc hop, ça montre qu'il y aurait peut-être une proximité, c'est une origine commune, peut-être qu'à l'origine les Japonais venaient d'Arménie. Bon, c'est une thèse comme ça un peu farfelue qui a été lancée. Et qu'on l'aurait oublié. Bon, c'est des discours qu'on a eu aussi en Europe. Oui, on avait l'autre jour Carmen Bernand qui nous rappelait effectivement toutes les discours sur l'origine des Indiens pour se poser la question de savoir si ça n'était pas une tribu d'Israël qui est perdue d'Israël qui aurait fondé l'Amérique, par exemple. Effectivement, on a eu les mêmes questions qui se sont posées à nous lorsqu'on a découvert l'Amérique, par exemple, le continent américain. Typiquement, on a à partir, je dirais, 1895. Pour moi, ça correspond au moment où le Japon l'emporte sur la Chine, au cours d'une guerre qui a été brève mais violente. À partir de ce moment-là, il y a une espèce de fascination pour le monde gréco-romain. Anaïs Kien. Et puis cette période de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, d'une certaine façon, dans cette période-là, Michael Lucken va se développer un mouvement quand même relativement puissant. Qui veut construire des liens entre le peuple japonais et une origine caucasienne. C'est-à-dire que la question même de la race du peuple japonais se pose à travers cette appropriation de cette culture antique. Oui, c'est ce qu'Emmanuel Laurentin à l'instant évoquait, mais il faut bien se souvenir que tout ça se situe dans une vieille histoire où depuis le mythe de Babel, puis ensuite cette recherche de l'origine des peuples qui devait être là en Asie centrale, puis après on a transporté ça, c'est l'origine de la culture, c'est plus l'origine des peuples. Bref, il y a cette idée qu'il faut retrouver un centre unique d'où ont jailli les peuples, c'est très fort, et les Japonais se sont lancés dans cette quête. Bien sûr, il y a eu de nombreuses thèses concurrentes. Il ne s'agit pas de dire que tous les Japonais ont cru à un moment qu'ils venaient d'Asie centrale, mais ce sont des thèses qui ont été formulées de manière sérieuse par des gens sérieux. Est-ce que vous pouvez nous présenter les deux auteurs dont on va lire un extrait, dont Daniel Koenigsberg va lire un extrait, Aizu Aishi et Horiguchi Sutemi, qui sont tous les deux des architectes et historiens d'art? Alors, Horiguchi Sutemi, c'est un architecte moderniste, donc c'est quelqu'un, il faut comprendre, qui a été formé à l'université de Tokyo. Quand il a commencé ses études, la première chose qu'il a découverte, c'est l'architecture, ça commence en Grèce, il y a trois ordres, je vous les rappelle pas, c'est cette architecture qu'il a découverte. Et puis l'architecture vernaculaire, elle a été éventuellement vue marginalement en option. Après, on n'est pas dans les années 60-70, où les choses ont beaucoup changé. Pour ce qui est de Aizu Aishi, un cas assez proche, c'est quelqu'un dont la formation est une une formation très occidentaliste et qui va devenir un poète et être le premier chantre turiféraire de ce lien entre Nara, dont on parlait tout à l'heure, et le monde grec. Il est possible que nombre de jeunes gens se disent, en entendant parler de l'art de Nara, « Ah, encore de vieilles histoires ». Mais ils ne pourront plus jamais l'ignorer le jour où ils réaliseront que Nara, dans l'histoire mondiale de l'art, ce sont les derniers feux de la magnifique sculpture grecque qui, après avoir atteint l'Inde avec les conquêtes d'Alexandre le Grand et considérablement influencé l'art bouddhique, se sont transmis à la Chine, puis au Japon, soit directement, soit indirectement via la Corée, où ils stimulèrent l'activité artistique de nos ancêtres Yamato, excités de rejoindre pour la première fois le flux de la production artistique mondiale. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Et maintenant, un extrait de Origuchi Sutemi, architecte moderniste en 1923, lu par Daniel Königsberg. Les vestiges classiques de la Grèce ne furent pas pour moi, jeune homme venu du bout de l'Orient, comme la révélation d'une déesse qui aurait susurré à mon oreille « Suis ce chemin qui te correspond et t'appartient ». Pourtant, face à leur beauté froide, austère et inaccessible, j'ai reçu un coup et réalisé qu'il me fallait trouver ma propre voie. Le chemin de l'architecture moderne s'est là ouvert à moi et j'ai découvert une manière de progresser qui me correspond. C'est alors que du même coup, je découvris des œuvres anciennes qui m'appartenaient comme elles ne m'avaient jamais appartenu. Le pavillon de thé de Myokian, la villa Katsura et toute l'architecture du type Tsukiya. Tout compte fait, on peut se dire à ce propos, Michael Luquen, puisque nous travaillons autour de la question de l'apprentissage d'un patrimoine grec et romain par des populations qui, évidemment, n'ont pas vécu cette période-là et de très loin, on peut se dire que le travail qui est fait par cet architecte moderniste Origuchi Sutemi, c'est le même à la même époque que celui mené par Corbusier, qui veut retrouver les racines de la Grèce antique, ou par les architectes du fascisme naissant ou du nazisme naissant. Oui, c'est très proche, à la différence près que Corbusier, lui, va affirmer un lien et va mettre en avant le fait que la civilisation européenne moderne est issue de l'Antiquité, alors que dans le cas de cet architecte japonais, Horiguchi, on sent une réaction, quelque chose de plus complexe. Il voit ses œuvres antiques, il dit « ça me fascine, je suis bouleversé, mais maintenant je vais m'en détacher et je vais regarder dans mon propre patrimoine des choses qui ressemblent, au sens où elles sont très épurées. Et vous voyez la Villa Katsura, c'est cette architecture du XVIIe qui est tout à fait particulière, où on a entre guillemets une sorte de pureté de l'esthétique japonaise, il va retrouver ces éléments-là. Anaïs Kien. Oui, Emmanuel Laurentin disait que ces peuples s'appropriaient un patrimoine qu'ils n'avaient pas vécu, mais nous n'avons pas vécu la Grèce ancienne et l'Empire romain. D'ailleurs, vous rappelez, Michael Duquesne, dans votre ouvrage, que finalement, on a oublié le grec ancien jusqu'au XIIe siècle, en Europe occidentale. D'une certaine façon, Jean-Noël Castorio, il y a quelque chose comme une voie d'appropriation exclusive relativement tardive pour l'Europe occidentale, de ces références, de ce patrimoine justement antique et même classique, parmi tous les auteurs que vous convoquez dans votre ouvrage, y en a-t-il quelques-uns qui peut-être critiquent cette tyrannie de cette culture antique obligatoire auquel on doit faire référence systématiquement pour peut-être s'intégrer dans un panthéon d'écrivains ou en tout cas parmi ses pairs lorsqu'on veut être pris au sérieux en tant qu'auteur, en tant qu'artiste? Alors j'insiste vraiment sur cette idée de gouffre qui nous sépare de l'Antiquité. Elle est vraiment, finalement, tous les grands auteurs que j'ai étudiés, que ce soit Flaubert, Fellini, avec l'exception peut-être de Marguerite Yourcenar, très très rapidement, quand ils mènent leurs recherches, ils se rendent compte qu'ils sont séparés d'un gouffre par le monde qu'ils décrivent. Et c'est un gouffre créateur, finalement. C'est ça qui est particulièrement intéressant. Quand on prend le cas de Fellini, on le voit. Flaubert aussi, tous deux. Flaubert et Chris Alambo, après Madame Bovary, on l'attend pas là, d'ailleurs. Hein, D'ailleurs, il dit que c'est un refuge pour lui, d'une certaine façon, c'est un refuge, de ça retourner t'ébahide. À l'Antiquité. Il le dira, c'est ça t'ébahide, hein, effectivement. Hein. Un petit extrait, d'ailleurs, de Flaubert, lu par Daniel Koenigsberg. Très brillant. Je vais écrire un roman dont l'action se passera 3 siècles avant Jésus-Christ, car j'éprouve le besoin de sortir du monde moderne où ma plume s'est trop trempée et qui d'ailleurs me fatigue autant à reproduire qu'il me dégoûte à voir. Jean-Noël Castorio. Oui, Flaubert. Alors effectivement, hein, Flaubert, un mois après, en fait, après la fin du procès hein, lié à la Madame Bovary, il passe un mois à se demander ce qu'il va faire, et puis d'un coup, il se dit ça y est, j'y vais, je pars dans l'Antiquité. Alors c'est un des racines profondes hein, en 1857. En réalité, il a toujours rêvé d'écrire un grand roman antique. Et comme tous les auteurs qui vont essayer d'écrire des romans antiques, il va y avoir une phase de documentation chez lui, tout à fait importante. Oui, c'est un voyage long et douloureux. L'exotisme du sujet est flagrant dans ses correspondances. Toujours chez Flaubert, effectivement. Alors au début, il avale les ouvrages les uns après les autres avec, comment dire, un appétit tout à fait flaubertien. Hein, et puis très rapidement, il y a cet ennui qui le saisit. Il s'y noie. Il y a une phrase qui est très belle, une petite phrase qui dit « Mon cher ami, je rote de l'infolio pour décrire ces ouvrages qu'il avale les uns après les autres. » Et très rapidement, comme Fellini aussi, il y a un processus identique hein, finalement. Fellini, quand il commence au Satyricon, lui aussi va voir Ettore Parator et lui demande des renseignements, etc. Il se gonfle l'Antiquité et ils en arrivent tous deux à cette conclusion que tout ça est très très loin finalement et qu'ils n'arriveront pas à renouer avec cette Antiquité. Et Flaubert va faire le choix. Fellini va faire le choix du rêve, de l'onirique. Dire je ne veux plus entendre parler des historiens. L'Antiquité pour moi c'est de la science-fiction. Et Flaubert, lui, va définir ce que je trouve absolument remarquable, cette archéologie du probable. Dit, si personne ne peut me porter la contradiction, alors c'est que mon roman est bon. Ça donnera lieu à une fameuse querelle avec Sainte-Beuve sur cette archéologie, cette possibilité. Sainte-Beuve écrira que l'Antiquité est trop loin pour pouvoir la reconstituer en réalité. Oui, on se rappelle qu'aujourd'hui, à la Sorbonne, va être redonné les suppliants d'Eschyle qui ont été interrompus, qui n'ont pas pu être donnés par le groupe des mots de cause de Philippe Brunet il y a quelques semaines de cela. Mais c'est justement toute cette question de comment reconstituer, comment refaire, comment renouer avec une interprétation probable, possible de cette antiquité qui est extrêmement compliquée, effectivement, parce que nous sommes très loin de cette période-là. Une période que tenter d'approcher dans son carnet de notes, Marguerite Yourcenar, à propos d'Adrien, dont elle était en train d'écrire les mémoires. La règle du jeu, tout apprendre, tout lire, s'informer de tout et simultanément. Poursuivre, à travers des milliers de fiches, l'actualité des faits. Tâcher de rendre leur mobilité, leur souplesse vivante à ces visages de pierre. Travailler à lire un texte du IIe siècle avec des yeux, une âme, des sens du IIe siècle. Le laisser baigner dans cette eau mère que sont les faits contemporains, écarter s'il se peut toutes les idées, tous les sentiments accumulés par couches successives entre ces gens et nous. S'interdire les ombres portées, ne pas permettre que la buée d'une haleine s'étale sur le teint du miroir. Prendre seulement ce qu'il y a de plus durable, de plus essentiel en nous, dans les émotions des sens ou dans les opérations de l'esprit, comme point de contact avec ces hommes qui, comme nous, croquèrent des olives, burent du vin, s'engluèrent les doigts de miel, luttèrent contre le vent aigre et la pluie aveuglante et cherchèrent en été l'ombre d'un platane et jouirent et pensèrent et vieillirent et moururent. Que dire devant ce magnifique extrait des carnets de notes de Marguerite Yourcenar à propos de son écriture des mémoires d'Adrien, Jean-Noël Castorio. En fait, c'est la troisième attitude. Je disais, il y a Fellini, il y a l'attitude finalement de cette idée vis-à-vis du savoir antique qu'on ne retrouvera jamais. Alors autant faire un film personnel. Et le Satyricon est un film profondément personnel, même s'il dira que c'est un film où il ne veut pas être l'ami. En fait, il est plein de lui, ce film. Il y a l'attitude de Flaubert, qui est cette archéologie du probable. Et puis, il y a l'attitude, finalement, très positiviste de Marguerite Yourcenar. Oui, on peut y arriver. Tout à fait. Qui est persuadée, alors elle mène de très très longues recherches. C'est un projet très ancien, les mémoires d'Adrien. Il remonte au milieu des années 20. Elle avait été à la villa d'Adriana avec son père. Elle en garde un souvenir tout à fait extraordinaire de cet empereur extravagant. En 1926, elle écrit un premier dialogue qui est soumis à Fasquelle, concernant Tinos, la relation Tinos et d'Adrien, qui est refusée. Elle y revient en 1934, puis après-guerre, avec l'histoire de la malle est assez fameuse. On lui renvoie une malle alors qu'elle vit aux États-Unis, dans laquelle elle trouve un début de manuscrit. Et elle va revenir, le début du manuscrit consacré à Adrien, et elle va se décider à reprendre ce projet. Elle dit d'ailleurs qu'elle n'aurait pas pu l'écrire avant l'âge de 45 ans. Mais l'idée de Yourcenar, c'est finalement qu'on peut retrouver véritablement l'Antiquité. Alors c'est une démarche intellectuelle, naturellement. Elle lit, elle dévore, naturellement, mais aussi presque spirituelle. Et il y a dans ses carnets de notes, ce passage où elle décrit cette nuit de décembre, je crois, 1950. Elle est dans l'île des Monts Déserts, donc, dans le Maine, là où elle vit avec sa compagne, et où elle fait une expérience quasi mystique de revivre les derniers instants d'Adrien. Mmh. Elle dit, je sens sur moi le linceul qui pèse sur mes jambes. Je sens le dernier moment. Adrien peut mourir. Michael Luquet. Ah oui, ça me donne évidemment très très envie de réagir. Ça me fait penser à parce qu'il faut bien avoir en tête que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui en France, en Allemagne, ont dans la tête des représentations des dieux et des héros grecs qui ont été dessinés par des mangaka japonais depuis les années 70. Et vous avez peut-être en tête ce manga de Yamazaki Madi, Termae Romae. Et c'est exactement ce phénomène-là. C'est ce que vous décrivez à l'instant. On a un passage comme ça, direct, des termes romains au onsen japonais. Et dans le nouvel opus qu'elle vient de sortir, qui s'appelle le Kuklos, mais en grec, d'Olympia, qui montrera un jeune artisan grec qui tout d'un coup, par une opération magique, se retrouve plongé dans les Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo, où il va rencontrer Tezuka Osamu, le grand mangaka, et va stimuler la création de l'animation et du dessin japonais. Donc c'est cette idée très positiviste que vous décrivez, elle est tout à fait vraie aussi dans le cadre japonais. Elle a extrêmement alimenté la réflexion, la rêverie sur l'Antiquité, et c'est très amusant que vous citiez aussi le cas de Yourcenar, parce que Yourcenar, comme vous le savez, elle a beaucoup travaillé sur Mishima, et Mishima a été, parmi les écrivains japonais, celui qui a été le plus influencé par la Grèce, puisqu'il a même appris le grec. Oui, il a d'ailleurs écrit à Kawabata, « Votre élégie édifie une authentique Grèce de l'Asie et nous éveille à son existence. » Anaïs Kien. Il y a une dimension bien plus universelle que ce qu'on a peut-être fait entendre dans cette émission de votre ouvrage, Michael Luquen, c'est que finalement vous combattez la notion même de patrimoine exclusif. C'est-à-dire que malgré les frontières de langue, malgré les controverses savantes, et peut-être même grâce aux controverses savantes, il y a quelque chose de l'ordre de la non-exclusivité absolue du patrimoine qui, je trouve, est évidemment une idée très séduisante et fructueuse. Et vous, par ce livre-là, vous posez finalement une première pierre de réflexion pour tuer la question même du patrimoine régional, peut-être national, avec cette possibilité de lui faire traverser les frontières et que chacun se construise son propre patrimoine culturel, esthétique, philosophique. Mais des avec idées. Beaucoup d'efforts. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que j'ai, et je crois que je partage ce point de vue avec Jean-Noël Cascario, à savoir... C'est peut-être d'autant plus frappant lorsqu'on part du Japon pour en faire la démonstration, évidemment. C'est peut-être l'intérêt justement de ce cas japonais, mais c'est le texte fondamentalement qui est au centre, bien sûr aussi les œuvres d'art, mais d'abord un travail d'interprétation, de découverte, d'apprentissage, d'herméneutique au fond, qui est vraiment central, mais pas une herméneutique un peu à l'ancienne, une herméneutique tendue, une herméneutique qui est en confrontation avec d'autres herméneutiques, hein. Bref, un travail qui est dynamique, hein. Et en effet qui s'oppose assez nettement à cette idée du patrimoine dans une perspective très réifiante, très topologique, qui domine actuellement, même si ce qu'a fait l'UNESCO est formidable depuis les années 70, je trouve qu'aujourd'hui ça s'est essoufflé. Il faut qu'on sorte de cette logique topologique du patrimoine universel pour redonner une place beaucoup plus grande au texte. Oui, vous dites d'ailleurs qu'une peut-être une des résistances européennes à ces questions de patrimoine antique, c'est cette idée que si les Japonais s'en emparent aussi, pourquoi pas les Chinois et pourquoi pas d'autres, eh bien, on va être dessaisi de notre patrimoine et que c'est cela qui nous chiffonne d'une certaine façon, Michael Luquen. Alors ça, c'est certain que c'est un phénomène à l'œuvre. Hein. On voit très bien en Chine, on voit très bien en Corée. Aujourd'hui, il y a un débat inter pays est-asiatiques autour de Grèce et de la Grèce et de Rome. Est-ce qu'on va être dessaisi? En tout cas, ce dont il faut se dessaisir, je crois, c'est de l'idée qu'on en a une possession naturelle. Et oui. Exclusive, surtout. Exclusive. Et une propriété qui nous appartient totalement. À vous, Jean-Noël Castori. Je peux être que d'accord, naturellement. D'autant plus que, comme je le disais, pour moi, l'Antiquité est quelque chose au contour extrêmement flou, naturellement. Et que je crois que ce qui est intéressant, finalement, c'est les strates qui ont recouvert l'Antiquité. L'Antiquité, elle a disparu pour nous. On n'a plus que ces strates. C'est ça qui est fascinant, qui s'accumule et qui crée de nouveaux discours d'Antiquité, une nouvelle Antiquité. C'est pour ça que l'Antiquité, elle est toujours vivante, présente. Puis naturellement. Elle est même omniprésente aujourd'hui avec ce massif de séries télévisées montrent cette Antiquité toujours un peu trash. Oui. Mais en même temps, très proche de nous, cette antiquité pédagogique d'une certaine façon, oui, qui nous éclairerait sur nos temps contemporains. On a une omniprésence comme ça de l'antiquité qui n'existait pas il y a encore 10 ans. Oui, c'est vrai. Alors on a ces parts vagues, naturellement. Je pense au cinéma, naturellement, la grande vague du péplum après la Première Guerre mondiale, premier âge d'or du péplum, fin des années 50, début des années 60. Puis on a eu un retour à partir de 2000 avec le succès de Gladiator de Ridley Scott, hein. Naturellement, une production régulière et puis progressivement l'arrivée effectivement la télévision avec les plus anciennes séries remontent bien sûr aux 70, je pense à Claudius, mais avec des séries qui ont un certain succès comme Spartacus. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on parlait, j'aime bien ce terme, cette expression que j'utilise dans mon ouvrage, d'antiquité trash. C'est vrai qu'on a une antiquité, on voit bien les racines dans les 70 avec des films comme Caligula, une antiquité qui est très sombre, effectivement, et ça peut correspondre à une sorte de retournement historique, je dirais, puisqu'on a finalement l'idée que l'antiquité dans des séries comme Spartacus qui inspire beaucoup du film 300 et une période de barbarie, d'une certaine manière. Et là, on a un retournement historique, parce que je rappelle que quand même, barbarie depuis la Renaissance... Barbarie n'est pas si éloignée de nous, finalement. Avec le paganisme qui va, oui, avec une sexualité libre, etc. Sexualité libre, débridée, effectivement. Débridée, surtout. Et ouais. Complètement fantasmée, effectivement. Ouais. Mais est-ce qu'on ne vit pas les temps de barbarie? Ça, c'est une autre question, je pense qu'on pourra aborder dans une autre émission. Alors, il y a une autre question qu'il faut aborder avant la fin de cette émission avec vous, Michael Luquen, c'est que tout comme la question des camps d'extermination a posé lors de leur découverte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des questions sur la civilisation occidentale, sur la culture, sur les lumières, toutes ces questions-là. Évidemment, Hiroshima, Nagasaki, la Seconde Guerre mondiale ont joué un rôle considérable au Japon. On va lire un extrait de Notomi Noburo, qui est philosophe, en 2017, que vous avez sélectionné pour cette émission d'archives. Qui est-il et pourquoi c'est important de réfléchir à cette question de cette transmission de la culture grecque au Japon à travers ce texte-là? Oui, je pense que c'est un élément qui explique un peu le fait que, à la fois, tout le monde, quand je présente ce livre, se dit « c'est vraiment étonnant cette histoire » et en même temps se dit « ah, mais j'ai quand même dans l'esprit quelques références qui pourraient se lier à ça ». Or, au fond, il y a eu toute une histoire jusqu'en 1945 qui a été très importante, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et puis après 1945, tout ça a été un peu mis sous le tapis, et Notomi Noburo est un professeur à l'Université de Tokyo qui a contribué assez récemment à remettre ça en évidence. Daniel Königsberg. En parcourant l'histoire, je suis tombé sur un problème. Celui du fossé qui, dans la tradition philosophique, délimite l'avant et l'après-guerre. La défaite de la Seconde Guerre mondiale a fait basculer toute la société japonaise, mais elle a aussi projeté une ombre immense sur le travail de la pensée. Depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à 1945, la philosophie grecque, qui fait de Platon une figure fondatrice, a suscité un large intérêt tant chez les intellectuels que dans le grand public. Mais cette réalité a été complètement occultée après l'après-guerre. Et l'on a fait comme si la recherche commençait de zéro. Le fait que Uesugi Shinkishi et Kanogoshi Kazunobu aient fondé leurs appels au nationalisme et au totalitarisme sur la pensée de Platon est devenu tabou avec la défaite et plus personne n'a parlé de ce qui s'était déroulé avant la guerre. Michael Luquen. Alors ce que je trouve ici très intéressant n'est peut-être pas tant l'histoire japonaise à proprement parler, la question de la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être une comparaison avec ce qu'on observe ailleurs, dans d'autres contextes et en particulier dans des pays qui ont été colonisés, qui n'ont pas exactement le même rapport à l'Occident que le Japon. Si on prend l'Inde par exemple, fin des années 40, c'est l'indépendance, on sait très bien qu'il y a eu des liens historiques entre le monde hellénique, monde romain aussi, et l'Inde. Or, cette histoire, elle a été complètement effacée après l'indépendance. Mmh. Parce que il y avait eu cette présence de du classicisme britannique qui par l'intermédiaire des universités, des systèmes de concours pour les administrateurs par lesquels sont passés Nehru, Gandhi, etc. Et ces gens-là avait beau avoir cette formation-là, un certain appétit, un certain goût, une certaine fascination pour cette culture, ils ont préféré rompre parce que ça représentait pour eux l'héritage colonial. Les Japonais, dans la mesure où ils ont eu une relation un peu moins violente à l'Occident, qui a eu une espèce d'inféodation culturelle, mais quand même d'indépendance politique qui les a amenés à être à leur tour de grands colonisateurs, ont pu maintenir cette histoire, développer ce patrimoine, et je trouve que c'est un formidable témoignage de ce que pourrait être l'Antiquité dans un monde qui serait vraiment ouvert sur les traditions textuelles du monde entier. Oui, et en cela, Jean-Noël Castorio, rompre avec ce que l'on a dit depuis le début de cette émission, c'est-à-dire ce lien exclusif que l'Europe a entretenu avec ce passé romain et ce passé grec pour pouvoir le partager avec les autres, en l'occurrence. Bien entendu, hein, bien entendu. Mais aussi, je voudrais introduire une notion de classe, entre guillemets. Ouais. Hein, bien sûr, le patrimoine antique a longtemps été réservé à certaines catégories sociales. Naturellement, des grands enjeux aujourd'hui, c'est que ce patrimoine appartienne à tous, effectivement. Mais les mangas sont là pour ça. Et aussi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment les mangas qui me semblent être les principaux véhicules. Et peut-être qu'il faut quand même continuer à traduire aussi largement les textes et ne pas s'arrêter à peut-être des versions anglophones largement distribuées, mais qui ne pensent peut-être plus la question de l'assimilation, de l'intégration, de la traduction même, et donc de l'adaptation et du regard même d'une société sur un texte transmis. Jean-Noël Castorio. Oui, bien entendu, mais je pense que c'est important, effectivement, ce contact. On a tous un premier contact avec l'Antiquité qui n'est pas nécessairement les textes antiques. Et savant, qui n'est pas nécessairement savant. Qui n'est pas nécessairement savant. Moi, c'est une série télévisée avec Claudius dans les années 80, qui était en rediffusion, qui m'a donné le goût de l'Antiquité. Je crois que ce premier contact, il est important, cette présence, elle est importante. Effectivement, les mangas, je pense à des séries, vous avez effectivement évoqué Pline aussi récemment, oui, Adastra. Ce sont des séries, effectivement, qui donnent envie et qui amènent ce goût, cet appétit d'Antiquité. Et je crois que c'est là, effectivement, qu'on dépassera la notion d'universalité. Elle est bien là dans l'appétit de tous pour la culture. Et voilà, et donc cet appétit d'Antiquité, il est très présent dans votre livre, Jean-Noël Castorio, chez Vendémiaire, Rome réinventée, l'Antiquité dans l'imaginaire occidental de Titien à Fellini. On a compris qu'il y avait à la fois des références cinématographiques, des références littéraires, mais également des références picturales à cette réinvention de Rome dans nos périodes contemporaines. Et puis, on a un grand intérêt à lire votre Japon grec, culture et possession, Michael Luken, dans la Bibliothèque des Histoires, puisque vous nous apprenez bien des choses sur ce lien justement constamment renouvelé entre le Japon et l'Antiquité grecque et romaine. Merci à Daniel Königsberg qui a lu les textes aujourd'hui. Merci à vous Anaïs, on se retrouve demain. Toujours pour parler de patrimoine, et cette fois-ci, doit-on conserver, doit-on restaurer, quel est l'état originel d'un objet, d'un bâtiment, d'une peinture ou même d'un parc national? Exactement. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et par Céline Leclerc. À la technique avec nous aujourd'hui, YouTube Diego Atlopez, et à la réalisation Anne Fleury. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.